dans un coin de votre vie. En habit du dimanche et en souliers vernis. Il connaît par cœur vos allées, vos venues. Il vous voit de loin, vous l'avez jamais. Dans les bars du centre-ville ou dans le creux de la banlieue, il se tient partout, il se tient partout. Il vous guette en attendant le bon moment pour vous frapper dans le dos et pour longtemps. C'est un assassin du Montréal matin. Le dernier des grands, le plus grand des vauriens. Il se tient chez les marchands de journaux, dans les bowling et les bingos. Il se tient partout, il se tient partout. Faites attention.